La poussière danse sur mes épaules. J'avance malgré les roses. Les ruines murmurent des secrets lourds, des voix anciennes, un chant sourd. Dans mes veines la rage s'allume, un feu noir qui jamais ne s'éteint. Les ombres glissent, effacent la lumière. Le temps se plie, s'use en prière. Chaque pas résonne, trace la voie d'un monde brisé, fait de joie et de froid. Je tends la main vers l'inconnu, un espoir fou jamais vaincu. Le souffle court, la foi s'accroche. S'écroule, emporte les jours. Je marche seul dans ce labyrinthe, à la recherche d'une étoile qui flotte. Les vents hurlent des secrets anciens, des chants brisés, des destins lointains. Je porte le poids des âges passés. Nos voix scellées, fortes et fières, unies contre la misère, un feu sacré dans le regard, brûle encore, même au soir. Grand solo, rising intensity, with intense harmonica sax, interplay. Je vois l'aube percer l'horizon, un souffle chaud, une chanson.